y a plusieurs extérieurs, pour moi en tout cas, à Lyon. Il y a l'extérieur donc, qui donne sur le train. Mais il y a aussi l'extérieur avec la zone de vélo. Et l'ENSECUM, l'école, elle est partagée entre ce bâtiment et le bâtiment juste en face. Et donc il y a du passage aussi entre les deux bâtiments qui passent par parcours à vélo. Moi, je le trouve très anonyme, franchement, pour être un truc qui est censé héberger des manifestations, des choses comme ça. C'est moi ressenti. C'est complètement ennuyant, mais des fois il y a personne qui vient et quand je parlais le même temps que donc qui parle normalement, c'est bien. Donc on a les assos qui travaillent pour tout ce que vous voyez ici. Et voilà, donc normalement on a, comme on dit, dans la petite famille ici. Je connais déjà tout le monde qui vient. Simple.